Donc bonsoir, on va commencer du coup l'AG de ce soir. Pour commencer cet AG, je voulais avec plusieurs personnes, mais on n'est pas tous là ce soir, déjà vous parler d'un projet pour le mois d'août, comme on n'a pas encore trop décidé comment ça allait se passer Nuit Debout au mois de juillet et au mois d'août. Et donc du coup, l'idée qu'on voulait vous proposer, donc elle a déjà germé dans notre esprit il y a à peu près un mois, et là petit à petit elle a... Enfin, on a commencé à écrire des choses, mais on ne sait pas encore si ça va être faisable. Donc, l'idée ce soir, c'est de voir si c'est faisable ou pas. Alors, l'idée, c'était qu'en fait, au mois d'août, on parte faire une sorte de nuit debout itinérante. Donc, on avait pensé ça en prenant comme exemple la marche pour l'égalité de 1983, dans laquelle deux personnes étaient parties de Marseille jusqu'à Paris pour rencontrer les gens et parler du racisme qui était... J'allais dire très important à ce moment-là, mais ce serait dur de dire que c'est plus le cas maintenant. Donc, et ils avaient rencontré des personnes sur la route en marchant pour justement débattre autour du racisme et essayer de... Ah, je cherche un mot. Que les gens soient sensibles, de sensibiliser les gens à cette question-là. Donc nous, on voulait faire un peu la même chose, mais dans l'idée plutôt de sensibiliser les gens sur la politique actuelle. Donc vraiment, ce sur quoi on insistait, c'est que ce soit pas une manifestation. On vient pas rencontrer les gens avec des revendications qu'on leur imposerait. On vient rencontrer les gens pour débattre sur des sujets tels qu'on les entend dans les médias, mais justement pour en débattre et non pas être passif devant un écran. Des sujets tels qu'on les entend à Nuit Debout, donc bien sûr la loi travail, mais aussi beaucoup d'autres choses, enfin le TAFTA, bon je ne vais pas tout citer, hein, vous savez bien tout ce qu'il y a. Et donc pour l'instant on a écrit un communiqué déjà que je peux vous lire. L'idée ce serait que ce communiqué-là soit envoyé à toutes les autres Nuits Debout qui existent déjà, parce que dans l'idéal, mais là je dis vraiment dans l'idéal, pour qu'une plus grande partie de la France soit couverte par la marche, ce serait que des groupes de 10, 20 personnes partent de différents endroits de France et du coup fassent chacun, je sais pas, 100, 200 kilomètres, comme ça c'est pas trop long et ça implique pas non plus un engagement humain trop important. Et comme ça, il y aura quand même énormément de places qui auront été visitées, où il y aura eu des débats, sans pour autant que chacun soit obligé d'y aller pendant 6 mois, parce que je pense que à peu près personne ne peut le faire. Donc, je voulais le communiquer, comme ça déjà on pourra... Enfin, l'idée vraiment ce soir, c'est à la fin de la soirée, à la fin du débat autour de ça, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens motivés pour partir? Parce que si ce soir on se rend compte qu'il n'y a personne de motivé, ben on partira pas. Donc, est-ce qu'il y a des gens motivés pour partir? Et comment est-ce qu'on peut chacun se répartir les tâches? Donc, se répartir les tâches, ça va être par exemple faire un crowdfunding, organiser l'itinérance, savoir d'où on part, quand, savoir combien de personnes sont disponibles, faire un petit planning, enfin voilà. Donc, peut-être d'abord, je vous lis le communiqué. Ouais. Alors... Nous, donc là c'est le communiqué du coup qui sera envoyé aux autres Nuits Debout et aux médias, j'en sais rien, enfin à tout le monde quoi. Nous, habitantes, je le féminise comme ça, vous savez que c'est masculin et féminin dans le texte, mais je mets tout au féminin. Nous, habitantes de France et d'ailleurs, partons à la rencontre du pouvoir politique légitime. Nous appuyons sur l'observation que notre pays est en cours de repolitisation et que chacune est légitime pour prendre la parole et se réapproprier l'espace public. En nous inspirant de marches citoyennes passées, nous avons imaginé la mise en place de rencontres itinérantes. Nous organisons à partir du mois d'août un relais de la marche et de la parole en dehors des places sur lesquelles Nuit Debout existe déjà. Le principe est de sillonner la plus grande partie de notre pays pour rencontrer les habitantes, favoriser les échanges et tisser des liens tels qu'on a pu les expérimenter via l'occupation des places à Nuit Debout. À partir de là, cette marche n'a d'autre revendication que de permettre des débats ouverts. Pour dépasser le processus médiatique qui donne une information unilatérale, nous proposons des espaces de parole afin de mieux connaître les enjeux quotidiens, questionner les représentations et susciter des dialogues au-delà des réseaux virtuels. Ce n'est donc pas une manifestation qui porterait un but à faire valoir. Le but de cette marche est dans son action même. Ce sera une marche pacifique, respectant les espaces de débat qui nous seront proposés, avec la plus grande tolérance des différents points de vue et valeurs de chacune. En fonction du nombre de personnes mobilisées pour cette marche, plusieurs groupes pourront se créer et essaimer pour aller à la rencontre du plus grand nombre. On pourra imaginer différents lieux de départ et d'arrivée. L'intérêt est aussi de penser la mobilisation des marcheuses en fonction de leur disponibilité, Un jour, deux jours, une semaine, un mois, en continu ou en discontinu. Ce sont ceux et celles qui marchent qui créent le mouvement. Il ne sera conduit par personne en particulier. Nous récolterons le témoignage des personnes rencontrées sur des cahiers de route et nous relayerons les paroles. Des comptes rendus seront faits régulièrement et accessibles sur le net pour que chacune puisse suivre, même s'il est à distance, l'avancée et les rencontres qui s'y déroulent. Nous appelons toutes les nuits debout déjà existantes et tous les habitants de France et d'ailleurs à nous rejoindre et à proposer leurs idées pour rendre cette marche encore plus créative et mobilisante. Donc, voilà. Maintenant, je ne sais pas si... Enfin, je propose de lancer le débat, du coup, pour savoir ce que vous en pensez et comment ça peut être mis en place. Qui veut faire modérateur ? Allô, 1, 2. Donc, est-ce que quelqu'un... Alors, par exemple, je sais pas, on pourrait soit aussi parler de... Bah, soit dit, enfin, de... tout ce que ça vous fait penser, en fait, déjà. Soit ceux qui sont motivés, qui viennent de le dire directement, et s'il y a sûrement des questions, en fait. Je pense qu'il y a sûrement déjà, premièrement, des questions. Donc, si vous avez des questions, non, à poser. Non. Ce serait quand le départ, à partir de quand, à partir d'où et pendant combien de temps? Alors, ça, cette réponse, en fait, quand au début, on était un groupe de 5-6, on était motivés pour partir au début du mois d'août et pour partir pendant un mois. Enfin, on était 4 vraiment disponibles un mois, mais ce qu'on s'était dit, c'est que très peu de personnes seront disponibles un mois. Donc, il peut y avoir des personnes qui nous rejoignent pendant un week-end, pendant une semaine, pendant voilà, en fonction du temps de chacun. Sauf que là, on doit être à peu près 2 ou 3 de ce groupe initial. Donc voilà, si moi je voulais en parler avec vous ce soir, c'était pour savoir là parmi les gens qui sont présents déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est une bonne idée de faire ça déjà? Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient motivées pour y participer Bonsoir, Alette. Cette initiative me fait penser à une initiative que j'avais faite quelques années pour mobiliser les chrétiens sur l'austérité. C'était une rencontre entre ceux qui portent de la place Saint-Paul et les gens qui croient en Dieu entre Londres et Canterbury. Et j'ai participé à cette marche. Et si certains croient que ça peut pas marcher, ça a bien marché. On a rencontré plein de gens qui questionnaient leurs croyances et leur conservatisme à notre rencontre. Donc ça peut marcher. Et deuxième chose, je serai libre pour quelques jours au mois d'août, mais pas tout le mois d'août. Donc je pourrais faire quelques étapes, peut-être marcher ou même le faire aussi en vélo. Donc. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que vous avez eu des autorisations que vous avez déposées avant là où vous alliez, ou parce que c'est une question qu'on se posait aussi, est-ce qu'on a besoin d'autorisation pour aller sur des places? Après, si on n'arrive pas à 40, il y a peut-être pas besoin d'autorisation, enfin, je sais pas si tu sais. En fait, c'était l'un de mes amis qui avait organisé cela, et on n'occupait pas de place. Comme on était accueillis par différentes communautés religieuses, donc on était dans des paroisses anglicanes et catholiques. Une fois, j'étais pas là, mais ils étaient accueillis par la communauté sikh ou musulmane. Donc c'était, mais sinon, il demandait l'autorisation pour camper dans un champ ou dans un parc, et ça marchait bien. Quelqu'un d'autre a une question? Non. Moi j'en avais une, j'ai perdu. Ouais. Je retrouverai ma question comme ça. Ouais. Moi je trouve l'idée très intéressante. Par contre, c'est une logistique. La logistique, ça se prépare. Je pense que je vais pas dire que c'est un petit peu trop tard, mais ça risque d'être compliqué. Moi, de ma petite expérience avec ce qui restait de la commission Convergence des luttes, on a essayé d'aller à l'encontre des gens, mais dans Paris et en banlieue, et on n'a pas réussi à le faire déjà dans Paris en banlieue. C'est-à-dire que les gens nous ont donné des mails, les gens étaient motivés, mais après, quand il fallait passer à l'action, bah, on s'est retrouvé un peu seul au monde. Là, pendant que t'expliquais ton action, en fait, j'ai pensé à un truc qui est tout con, qui est simple. C'est que, pas la semaine prochaine, mais le 23, 24, 25, il y a le festival FNAC qui est gratuit à la mairie de Paris, où il y a énormément de monde. Et ce qui pourrait être une idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'être 50, hein, mais 4 ou 5, et qu'on fasse le tour de toutes ces personnes qui sont souvent assis, comme à République, en train de boire, etc., écouter de la musique, et aller voir ces gens-là avec un tract ou un truc qui représente Nuit Debout, et parler à ces gens-là. Et je pense que ça serait déjà une première pierre, voir un petit peu les retours de cette expérience-là. Après, organiser des trucs dans la France, c'est une super bonne idée. Mais après, c'est soit on loue un minivan et il y a vraiment une équipe soudée qui le fait, ou sinon, il faut vraiment monter une équipe, parce que ça, sinon, ça va être très très compliqué, et j'ai peur que les gens soient un petit peu découragés par ça. Donc, faudrait trouver une structure. Et voilà, là-dessus... Super, mais j'ai le sentiment que ça va accoucher d'une souris, quoi. Voilà. Après, ce qu'on se disait, c'est en fait, mais c'est bien que tu dis ça, parce que on se disait au niveau logistique, finalement, qu'est-ce que ça demande, mis à part une voiture, des tentes, et à côté des gens motivés pour marcher. On se disait, il suffit qu'on soit 10, et 10 personnes en effet motivées, pas des personnes sur des adresses mail, enfin voilà, des personnes qui s'engagent. Donc c'était aussi pour ça qu'aujourd'hui on voulait le faire, en se disant que. Enfin, on voulait poser la question parce que il y a quand même, là, pas énormément de monde, mais des fois plus de monde, pour savoir est-ce qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à partir, je sais pas, au moins une semaine au début pour lancer le truc, parce que c'est tout à fait possible. Lors de cette marche pour l'égalité, il y en a beaucoup qui sont partis en cours de route, mais il y en a aussi beaucoup qui sont arrivés. Donc je pense que ce qui est très dur, c'est de lancer le processus, c'est-à-dire de partir, d'être les 10 premiers à partir. Mais ça peut être relayé aussi derrière par les médias. Enfin, on ne sait pas quel impact ça se trouve. Au bout d'une semaine, on se dira, mais c'est le coup d'essayer, quoi. De mon expérience, j'avais un fan, Il y avait un gros fan, et on mettait tout dedans, et les gens avaient un petit sac à dos, donc un gros van est suffisant pour partir. Deuxième chose, et ça c'est quelque chose à faire, un petit conseil dans le tracé, c'est il faut que à chaque fois qu'on s'arrête, ou à chaque fois qu'il y a un arrêt, une étape, il faut que ça soit accessible, soit en train, soit en bus, pour que les gens arrivent, soit de Paris ou d'ailleurs, et voilà. Et je suis prêt presque tout juillet, à part quelques jours, mais je suis prêt à vous citer pour le tracé, pour vous citer. Ça, je me souviens, moi j'ai fait les 3 derniers jours, et je dis, tu prends cette ligne-là, on suit cette ligne de chemin de fer, donc tu peux y aller, et ça c'est quelque chose à faire pour l'accessibilité. Merci. Je sais pas, est-ce que y a des gens qui pensent que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, et qui peuvent proposer aussi des choses pour que l'idée soit plus faisable. Ouais, moi je voulais juste dire que j'étais d'accord. Je pense que le plus important, c'est vraiment de le lancer, parce que l'impact. Merci, merci beaucoup. Oui, c'est beaucoup mieux. Ah, allô, ouais, nickel, nickel, nickel. Ouais, donc je pense que l'important c'est vraiment de le lancer parce que l'impact, l'impact après de juste voilà que les gens voient que c'est lancé. Comme tu disais, les gens peuvent très bien rejoindre en cours de route. Donc après, bah, c'est clair, c'est juste trouver quoi, un nombre minimum pour partir. Même si la personne elle est disponible qu'une semaine, ça sera, enfin voilà, ça sera déjà une semaine et bah, c'est toujours ça comme tu disais. Bon, je répète un peu, mais voilà. Quelqu'un est franc. Ouais. Yo, en fait, à l'instant qu'on vient de me poser la question, on m'a dit, mais toi, j'ai l'impression que quand tu parles au micro Nuit Debout, on a toujours l'impression que tu te mets en dehors de Nuit Debout parce que tu dis vous Nuit Debout et nous machin. Je lui dis ok. Moi, je suis l'un des ceux qui ouvrent sa gueule et les autres, il y en a plein qui en pensent la même chose mais qui le disent pas. Donc, je vais bien prendre les coups de bâton, mais c'est pas grave, j'en ai pas honte. Et ce que je voulais poser la question aussi, c'est que, ok, on va marcher, mais on va marcher pour dire quoi? Donc, ce serait pour savoir qu'est-ce que c'est que Nuit Debout et qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez marcher. Parce que tout le monde peut marcher, c'est pas un problème de marcher. On part, on marche, mais quand on arrive vers les gens, on leur dit quoi? Ouais, on est Nuit Debout, la loi Comari. Ouais, on fait des bacs à sable et on met des plantes. On va dire quoi? C'est quoi voilà. Oui, alors on a eu un débat là-dessus justement, et c'est pour ça qu'on a dit qu'on voulait pas venir avec des revendications, mais par contre, en effet, on peut pas venir sans sujet. On va pas aller voir les gens en leur disant bonjour, on vient vous voir, de quoi vous voulez parler. Non, on peut instaurer des sujets et les sujets, ça peut être bah, bien sûr la loi travail, ça peut être je sais pas les présidentielles, ça peut être la politique actuellement, ça peut être ça. J'ai envie de dire, ça peut être toutes sortes de sujets qu'on les prévoit avant, certes, mais alors, non, le but principal de la marche, c'est d'instaurer des débats et de repolitiser les gens qui n'ont accès qu'aux médias, enfin, qui sont, comme tout le monde, d'abord pris devant leur télé avant de faire une démarche quand même, d'aller lire d'autres choses. Il faut avoir un minimum d'informations extérieures. Donc l'idée, c'est aussi de leur apporter des informations extérieures pour proposer les débats. Voilà, c'est ça l'idée principale. Donc tu vois, il y a une contradiction entre ton sujet et le mien. C'est-à-dire que si on s'en va dire aux gens qu'on vient vous repolitiser, ça sert à rien de faire Nuit Debout pour moi. Donc faut les dépolitiser et leur apprendre à reprendre leur vie en main, eux-mêmes et avec les autres. Et comme on dit, la politique, c'est ce qu'on fait tous les jours nous-mêmes, qu'on construit, qu'on met en place. Et le politisé, le politique, le politicien, c'est le professionnel de la politique, celui qui est payé pour rien faire parce qu'il a besoin d'être payé longtemps. Donc c'est comme le sida. S'il y a le sida, tu vas chercher un vaccin et tout. Si tu mets un an pour trouver le vaccin, ben t'as perdu la poule aux œufs d'or. Donc si tu mets 30 ans pour trouver le vaccin, ben, pendant 30 ans tu vas être super bien payé. Donc la politique c'est ça. Donc est-ce qu'on va dire aux gens, on vient vous politiser ou on vient vous apprendre à réapprendre à créer vous-même, par vous-même, penser par vous-même et développer votre vivre ensemble par vous-même. Ça peut être, on peut appeler ça du politique, mais c'est pas politisé. Ah mais on vient ni politiser les gens, ni leur apprendre des choses. On vient débattre. Et ils vont certainement nous apprendre autant de choses que nous, on pourra leur en apprendre. Enfin, l'idée, c'est d'aller débattre parce que c'est avec des personnes qu'on ne va pas rencontrer ici et qui ne savent pas ce que, qui n'ont jamais été à des Nuits Debout. Et nous, ce qu'on a pu expérimenter, enfin là, je vais parler en mon nom, ce que j'ai pu expérimenter à Nuits Debout, c'est que parce qu'on partage un espace commun et qu'il y a un thème, du coup, on se rencontre et on parle de ça. Et voilà, ce que je voudrais, c'est simplement que ça puisse exister ailleurs que là où Nuit Debout est déjà. Bon, déjà, tu oula, c'est fou. La marche meuquière. Déjà, tu nous demandais si c'était une bonne idée. Bah, moi, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée, même. L'idée, ce qu'a dit Malanjo, moi, ça me dérange un peu, effectivement, d'aller en province. Surtout qu'on vient de Paris, il faut penser à ça aussi. Et l'image des parigots qui débarquent en province pour faire les leçons de morale, je pense que ça peut vite saouler. Et c'est le meilleur moyen de nous mettre les gens à dos en province. Moi, je viens de province et je connais la mentalité aussi qui est envers les Parisiens et qui est parfois justifiée. Donc moi je trouve que l'idée de venir sans, justement en évitant le côté donneur de leçons, c'est le meilleur moyen de créer du débat et potentiellement même stratégiquement de nous de rallier les gens à la cause voilà à la cause Nuit Debout. Donc c'est très bien. Non à la colonisation de la province. Mais d'autant plus, moi je suis pas parisienne non plus, donc je suis complètement d'accord avec toi. Et d'autant plus que, enfin, moi j'ai rien à leur apprendre, quoi. Je veux dire, c'est juste, j'aimerais échanger avec des personnes aussi ailleurs que à République. Voilà, c'est, il y a ça aussi dedans, quoi. Quand tu dis en fait que tu aimerais échanger avec des gens qui viennent d'ailleurs, tu parles d'un point de vue régional, provincial ou national, ou tu préfères en fait lancer le débat et lancer les échanges culturels en fait à des horizons en fait qui vont très loin de l'Europe jusqu'en Antarctique, enfin, si on veut aller loin. Donc en fait, juste pour dire, c'est que Malandjo il est passé et je veux pas vous cacher, c'est des fois je suis à Nuit Debout, j'écoute des discours, mais il y a très peu de gens en fait à Nuit Debout qui parlent honnêtement. Et moi, ce que je disais hier, c'est que quand tu dis qu'il faut parler avec les gens qui viennent d'ailleurs, je pense qu'en fait que ces gens qui viennent d'ailleurs, ces populations, parce que la France est un pays vraiment métissé, devraient être quand même dans un combat comme Nuit Debout. Et que ce ne soit pas un combat totalement trop pro-parisien, avec cette dimension bourgeoise dans laquelle les gens qui viennent des ghettos ne se reconnaissent pas. Il faut que ce mouvement s'ouvre à plusieurs portes. Et pas qu'excuse-moi, je vais choquer, mais pas qu'à des Caucasiens ou voilà, à tout le monde. Moi, j'aimerais voir des Japonais, des Esquimaux, de tout, des Mondingues, des Berbères, de tout. Voilà. C'est, voilà. Et justement, l'idée, c'était aussi de savoir du coup quelles initiatives existent déjà sur place. Enfin, voilà, d'apprendre aussi de ce que font les autres et de pas venir avec. Voilà, nous, on a trouvé ça à République parce que bon, en soi, il y a des débats d'idées ici, mais on n'a pas. Bon, je vais être dur, hein, mais on n'a pas créé énormément de choses en soi. Et il y a plein d'endroits où ils ont créé des choses. Donc c'est aussi savoir ce qui a été créé sur place. Merci pour cette parole libre. J'espère qu'on va parler pendant une petite demi-heure et que tout le monde va venir parler sincèrement. Ok, on va aller marcher pour aller voir des gens différents parce qu'on ne les a pas rencontrés. On voulait les rencontrer autrement qu'à République. Mais ces gens, ils sont venus ici. Ils sont venus ici, mais on ne les a jamais écoutés. On ne l'a jamais parlé. Et donc, d'aller dire aux gens... On va vers vous parce que vous êtes de province, parce qu'on vient parler à des gens qu'on n'a pas rencontrés en République, mais je peux t'assurer qu'on a rencontré des gens de partout. On a rencontré des Espagnols, on a rencontré des Allemands, on a rencontré des... Hier, tu peux lui demander, on discutait avec des filles de Franche-Comté. On a rencontré des gens de partout. Simplement, il y a des gens ici, ben, ils ont l'impression qu'ils sont pas là, donc ils leur parlent pas. Et donc, oui, on va aller vers eux parce qu'on veut leur parler, mais quand ils sont devant nous, ce que je veux dire. Et donc déjà, si on arrive à leur parler ici, on pourrait dire, tiens, la discussion qu'on a eue est intéressante et je vais venir à votre rencontre pour vous écouter. Ce que je veux dire, parce que ce qu'ils ont dit ici, parce que tu as discuté avec eux ici, t'as interpellé. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. Il se passe ici, il y a des gens, ils prennent le micro, et ils racontent leur truc, leur démocratie, leur machin, leur ci, leur ça. Et au bout de 4 mois, ils disent, tiens, on va faire la France parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas rencontrés. Eh, mais si, c'était là les gens. Les gens, ils sont venus avec beaucoup de cœur et parce qu'ils voulaient voir. Nuit Debout, c'est international aujourd'hui. En Chine, on regarde Nuit Debout. Donc les gens, ils étaient avec nous. Mais nous, on n'a pas su les écouter. On n'a pas su les prendre en main. Et donc, la problématique, c'est là où j'en reviens. C'est avant de vouloir partir, c'est on part pour dire quoi, pour faire quoi. Et c'est pas voir des gens qu'on n'a pas rencontrés. C'est revoir des gens qu'on n'a pas écoutés, qu'on n'a pas eu le temps de parler et d'aller les rediscuter avec eux. Parce que je peux te dire que depuis le début de Nuit Debout, toute la France est venue ici. S'il n'y a pas, peut-être pas eu 60 millions de Français, mais de toutes les régions de France, ils sont venus sur la place de la République. Et ça, je peux te l'assurer. Déjà, Malandjo, je te réponds. Tu m'écoutes ou... Déjà, bon, quand tu fais des généralités, genre « on, vous », déjà, moi... Non, mais ça, je te dis, les leçons de morale, comme ça, j'en ai franchement ras la casquette. Ça fait 3 mois que tu nous fais des leçons de morale, déjà, basta, tu vois. Surtout, je pense que l'éducation populaire, c'est une commission qui tient depuis 2 mois et demi. Donc, leur dire ça, alors que justement, il y a des gens très différents qui viennent à chaque fois. Je sais pas si tu as déjà assisté. Bah, déjà... Non, mais attends, voilà. Donc déjà, voilà, donc ça, les leçons de morale, franchement, tu proposes jamais rien et tu fais que critiquer, donc c'est un peu relou à force. Non. Bon, bref, toujours est-il que je pense que... Bon, c'est mon avis, c'est mon avis. Tu pourras me répondre, c'est mon avis. Tu pourras me répondre, c'est mon avis. Après, sur le fait que tout le monde vienne sur la place, c'est pas vrai. Non. Moi, je pense qu'on a tous ici de la famille très isolée en province, qui n'ont pas accès, justement, qui n'ont pas la possibilité de venir. Déjà, d'un point de vue physique, ils n'ont pas la possibilité de venir et ils n'ont pas la possibilité d'aller sur Internet. Je pense que... T'as dit, tous les... on les a vus, on les a pas écoutés. T'as dit, ils sont venus, ils étaient devant nous, on n'a pas su les prendre, on n'a pas su les écouter. Déjà, les phrases, on n'a pas su... bon, moi, je pense qu'on en est qu'au début du mouvement, donc on n'a pas su. Déjà, on a fait ce qu'on a pu pour beaucoup ici, qui sont là tous les jours depuis 3 mois. C'est mon avis. Donc, de toujours de rabaisser le truc, on n'a pas su... Bon, peut-être que toi, tu n'as pas su le faire. Moi, je pense que j'ai parlé avec des gens très différents ici, et je considère que j'ai réussi à parler avec des gens. Bon, bah, ok. Donc, voilà, c'était tout. J'espère qu'on va pas faire un débat malanjo, mais je reviens sur le truc de je propose et je fais rien, ok. Donc j'ai la commission France Afrique, ok. Merci. J'ai la commission France Afrique. J'ai gros câlin debout. Ils sont en train de danser de l'autre côté. J'ai commencé à faire des concerts et là on se bat pour savoir comment on achète le matériel. Pour l'instant, comme la commission France Afrique n'est pas nuit debout, donc on peut pas sortir l'argent parce que tatatata. Donc il y a des gens qui disent que je me suis mis à l'extérieur, mais je sais que ce que propose c'est plus facile que si j'étais en démocratie ou si je faisais partie de machin. J'aurais peut-être pu peser sur le choix de savoir si on dépense l'argent pour acheter une sono, ceci, cela. Qu'est-ce que je fais encore? Je fais des milliers de choses. Donc lorsqu'on me dit je parle beaucoup mais je fais rien, moi je suis quelqu'un qui fait plus que je parle. Mais ok, mais on s'en fout, mais tu as dit des choses intéressantes. Non, je me défends tout de suite dans le sens où elle a pris le micro pour dire la même chose que moi. Elle a dit qu'elle a démocratie à éducation debout et elle-même, elle a rencontré des gens de partout. Voilà. Et juste avant, elle dit que ce que j'ai dit, c'est pas ça. Si je dis encore et je le redis et je l'affirme et tout le monde peut l'affirmer ici. Des gens de toute la France et d'Europe sont venus ici nous parler, échanger avec nous. Et je le dis encore, on n'a pas su les écouter. Après, ceux que ça dérange et ceux qui roulent, au lieu de dire rouler, rouler, rouler et de me laisser parler comme un con, à un moment donné, ils pourraient dire peut-être qu'il l'a dit, c'est pas forcément con, et peut-être que lui est con, peut-être qu'il est débile, machin. Oui, mais je veux bien faire des roulades, ça fait 4 mois que vous faites des roulades. Ça fait 4 mois qu'on prend le micro, dès qu'il y a un truc qui vous dérange, vous faites des roulades, vous n'êtes pas foutu de faire une discussion, un débat et de contredire pendant une demi-heure, une heure jusqu'à ce qu'on arrive à un point. Alors lorsqu'on fait des roulades, ça veut dire qu'on ferme la discussion, on n'a pas envie de parler. Donc moi, sur ce débat de voyager toute la France, je suis d'accord. Simplement, j'aimerais savoir, j'aimerais qu'on décide aujourd'hui, est-ce que savoir ce que les gens ils ont dans l'esprit, dans quel état d'esprit ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils vont dire et pourquoi ils veulent y aller. Et c'est pour ça que je veux dire encore, dire à Paris... qui est l'une des villes les plus hétéroclites du monde, l'une des villes où il y a le plus de tourisme dans le monde, qu'on n'a pas rencontré les gens de toute la France et qu'on n'a pas rencontré les gens d'Europe, c'est un peu gros. Juste parce que je voulais dire depuis tout à l'heure, mais je te passe très très vite. Juste pour dire un mot là-dessus, enfin, bon, moi, on va stopper les tirs 2 minutes, mais juste pour le... Ouais, non, c'est pour ça, on stoppe, c'est bon. Mais pour le fait qu'ils soient venus et tout ça, moi, je veux bien entendre... qu'ils soient venus, tout ça, mais ça, c'est comme si on n'a eu qu'une chance. Moi, je suis pas d'accord à entendre ça, on n'a pas qu'une chance. Même s'ils sont venus et qu'on a, comme tu dis, on a raté, et bah, on y retourne. Alors, on y retourne, ou même si on ne retourne pas, on rencontre des gens qui sont pas venus encore, parce que je suis là, je la rejoins quand même, ils sont pas tous venus. Tu peux pas affirmer, toi, qu'ils sont tous venus nous rencontrer quand même, enfin, tu vois, bon. Alors, est-ce que ça nous empêche d'aller en voir d'autres ou les mêmes? Enfin, je veux dire, est-ce que ça empêche d'aller voir d'autres gens ou si c'est les mêmes? Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est... Bon, du coup, je vais... Bah, justement, en fait... Voilà. Attends, je te réponds. Justement, j'allais finir là-dessus. Donc, je suis en train de te répondre. S'il te plaît. Bah oui, mais bon, tu monopolises la parole, donc si on peut te répondre quand même. Non, mais je veux dire l'attention, pardon. Bref, justement, pour rejoindre ce que tu dis, c'est dans quoi on s'engage à aller sans une parole, comme tu dis, déterminée, en disant on arrive avec cette pensée-là, cette idée. Non, justement, on vient pour débattre d'idées qui pourraient peut-être seront même proposées par les gens eux-mêmes. Donc, on n'arrive pas avec une idéologie, comme tu dis. Ou... Bonsoir, moi je viens d'un quartier sensible dans le 18e arrondissement et j'ai un avis partagé dans le sens où on dit qu'il faut aller vers les gens. Quand je suis arrivé il y a 4 mois, on m'a dit pourquoi les jeunes de cité, de banlieue ne sont pas là. Après j'ai leur dit que nous ça faisait 30 ans qu'on était dans des halls debout, toutes les nuits à attendre des clients pour vendre de la merde quoi. Et j'ai demandé si tout le monde avait bien pris sa merde avant de venir ici. C'était juste pour toucher un point sensible. C'est qu'en vérité, tu peux aller que vers les gens. Tu ne peux pas attendre qu'ils viennent ici. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait une marche vers la banlieue. Mais comme on va pas se mentir, ça a été vite fait, bien fait quoi. Et le truc, c'est ça, c'est qu'il y a un rappel constant à faire. C'est pas on a fait et c'est bon, c'est on doit continuer à le refaire. Après, les gens, ils disent, ouais, moi c'est vrai, j'ai vu des Américains, des Chinois, tout ça ici à la place de la République. Mais mon voisin, je le connais pas. Mon voisin de mon palier, je le connais pas. Donc à partir de ce moment-là, je vais commencer par où? Je vais commencer à aller chercher des Chinois, des Canadiens, je vais aller en province. Mon propre voisin, je le connais pas. Donc à partir de ce moment-là, il faudrait partir d'un début, d'une base. On va apprendre à se connaître. Nous, là, dans les cités, on n'aime pas faire semblant. Et ici, ils viendront pas parce que pour eux, ça pue le mensonge. Et je vous le dis clairement. Oui, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est tu parlais voilà de nos familles. Enfin oui, moi dans ma famille il y a des personnes qui n'ont eu que l'aspect médiatique de ce qu'était Nuit Debout et donc ils ne viendront jamais, ils ne sont jamais venus à Nuit Debout et je dis des familles mais aussi des amis parce que voilà je viens pas de Paris et des amis de là où je viens ne seraient jamais venus ni à Nuit Debout de la ville d'à côté de chez eux parce qu'ils ont eu que l'aspect médiatique et pour eux ça ne les intéresse pas du tout. Enfin ils imaginent que bah c'est des gens alors ça dépend des villes, soit dans certaines villes des gens qui fument des pets et qui boivent de la bière et qui se gueulent dessus, soit dans d'autres villes c'est des bobos, enfin on sait rien, mais dans tous les cas, comme ils ne sont pas venus, ils savent pas ce qui s'y passe. Et donc, c'est pas forcément que ceux qui sont venus ont été déçus, c'est qu'il y en a qui sont jamais venus parce qu'ils ont un avis dessus qui a été fait par les médias. Et donc c'est aussi pour aller contre ça. C'est pour rebondir ce que tu viens juste dire. Ceux qui viennent des provinces, peut-être on les a pas écoutés, et peut-être c'est notre faute, et ça, je te rejoins là-dessus maintenant, tu vois. Mais juste aussi, il y a un phénomène, c'est ceux qui viennent, c'est ceux qui sont de plus sympathiques à la Nuit Debout. Donc, c'est pour ça que, aussi, et ça c'est quelque chose que j'aimerais, il faut aller dans ces territoires, la périphérie, celle qui est marquée par la montée du Front National quand même, qui est dans les campagnes, et qui, pour eux, l'ennemi, c'est le petit 15 bobos de Paris, qui ne connaissent pas la vie russe. Peut-être c'est un peu trop caricatural et je m'en excuse. Mais c'était juste pour vous montrer l'état d'esprit de ce que j'aimerais de la marche que je vais peut-être que je vais participer faire et dire que les gens de province représentent toute la province, nous. Car ceux qui viennent ici sont sympathiques à ce mouvement. C'est assez logique. La France en finale! La France en finale! Franchement, c'est quoi, regarde? Merci. Ouais, je voulais juste faire une remarque un peu périphérique au débat, c'est que moi j'ai l'impression que dans la question revient souvent, ouais, les gens sont partis, faut les faire revenir, dans le sens où il y a presque la culture de l'audimat qui s'est installée ici, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'au contraire, quand il y avait trop de monde, il pouvait pas y avoir de débat en fait. Et maintenant, il y a quand même du monde. Et je pense que pour moi, l'enjeu, c'est pas de viser le quantitatif, mais plutôt le qualitatif, et d'essayer de fidéliser les gens qui sont là, qui sont déjà nombreux, et de faire des débats intéressants. Du coup, ils vont revenir, et petit à petit, ça va se remplir. Mais je pense, moi, c'est comme ça que je vois le truc, quoi. Je pense vraiment qu'il faut vraiment viser la qualité. Parce que s'il y a de la qualité, il y aura de la fidélité, et il y aura forcément une croissance en termes de quantité. Mais chercher tout de suite la quantité dans l'esprit de la culture de l'audimat, je pense que c'est une stratégie voilà, qui, moi, ne me parle pas trop. Pour revenir à ce qu'il disait, et excusez-moi, mon père était noir, ma mère était noire, et j'y peux rien, et si je réfléchis comme un, peut-être pas français, j'y peux rien non plus. Non, je dis ça à certaines personnes. Et donc, non, parce qu'il y a des gens qui ont dit que je ne fais rien et que je parle et que je machin. Donc, je vais dire à ces gens-là que je suis là tous les jours et que ce genre de critique un peu, au bout de 4 mois, commence à fatiguer. Et voilà. Et donc, par contre, pour revenir à ce qu'il disait, lorsqu'on a commencé Nuit Debout, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a des gens qui disaient, il y a eu tant de followers sur le machin, tant de... Eh, mais ils sortaient tous les chiffres à l'armement de moineux. Donc, on sortait des trucs mathématiques, mais je te jure... Il y a des gens ici, hein, ils sont venus nous voir tous, ils se sentent inutiles. Ils ont l'impression qu'ils n'étaient pas... ils sont partis parce qu'on ne leur parlait pas. Par contre, il y a plein de gens qui étaient sur Internet, followers, des followers, machin chose. Ouais, on a eu tant de hashtags, machin chose. Sincèrement, on s'en bat les steaks. L'important, c'est quel est le débat, quelle est la pensée, vers quel avenir on veut, quel combat qu'on mène. Et donc, est-ce que les gens de Nuit Debout ferment un peu leur informatique, leur ordinateur, leurs followers, que moi je comprends rien d'ailleurs, et reparlent aux gens qui eux aussi ne comprennent rien, mais qui comprennent quand on leur dit « Ouais, tu t'appelles comment ? Ouais, ouais, je t'aime bien, ouais, c'est cela. » Des trucs simples, sans dire « Ouais, je sais pas quoi, tu veux dire ?» Mais des trucs simples. Et donc, j'en reviens encore là-dessus. Ok, on va aller parler aux gens, mais est-ce qu'on a pris le temps de savoir comment parler aux gens, qu'est-ce que c'est de parler aux gens, et qu'est-ce que c'est que s'intéresser à l'autre ? C'est pas parce que nous, on a fait Bac plus 40, que l'autre qui passe et qui machin, bon bah parce qu'il prend pas le micro, je sais pas quoi, et voilà. Donc on n'a pas su, je te le dis encore, et je le dis pour ça intéresse pas. Nuit debout, c'est tout le monde déjà à la base. Ben les gens qui avaient l'audace de prendre le micro et l'audace d'être là n'ont pas su être à l'écoute des autres. Voilà, ça c'est ce que je pense et c'est ce qui s'est passé. Non, juste pour rebondir sur ce que tu disais, l'idée c'est pas de ramener des gens dans le mouvement, hein, c'est pas du tout ça. Et vu que tu posais la question finalement pourquoi vous y allez, bah moi je vais te dire pourquoi moi j'ai envie d'y aller déjà. C'est parce que je pense que je suis profondément ignorante de plein de choses qui existent, de plein de façons de penser, et que j'aimerais bien m'ouvrir à ça. Et savoir, parce que je pense qu'il y a des gens qui votent Front National parce qu'ils ont vraiment une histoire, ils ont vraiment des. Et j'aimerais bien savoir ce qui peut. Mais pareil. Mais non, mais c'est parce que quelqu'un a utilisé l'exemple Front National tout à l'heure, c'est pour ça que je le prends, mais je suis pas en train de faire une catégorie spéciale Front National. Hein. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que les gens défendent telles idées, parce que moi je ne comprends pas, et j'aimerais bien débattre autour de ça avec des personnes justement qu'on rencontre pas de Nuit Debout parce qu'elles ne sont pas, comme tu le disais, sympathisantes, et qu'on en débatte ensemble. Voilà, parce que sinon on ne se rencontre jamais, parce que ces personnes-là ne viendront pas Nuit Debout, en effet. Et donc, si on ne va pas débattre avec elle, eh ben, on ne se rencontrera jamais, il n'y aura jamais de vrais débats qui existeront. Et s'il y a des gens qui votent Front National, moi je pense que la raison est extrêmement simple. Ils ne connaissent pas leur histoire. Donc il faut les renvoyer à l'école. Ils ne connaissent pas leur histoire. Il faut leur rappeler Pétain, La Salle et les autres. Et ça fait chier. Ça fait chier. Qui vote Front National ? Des vieux cons et des fascistes. Moi, je suis pour une limitation du droit de vote à 70 ans. Je suis pour une limitation du droit de vote à 70 ans. Parce que les votes, ça engage la jeunesse de ce putain de pays et de tous les autres pays. Et c'est eux qui vont se prendre ça dans la gueule. Nous, on sera morts. Bonsoir. Bon, alors il y a beaucoup de sujets depuis un quart d'heure, 20 minutes, qui ont été abordés. Moi, je pense pas que Nuit Debout en soi-même soit un échec ni un succès. Je pense que Le premier des succès, pour ne lister que celui-là, c'est le fait que, oui, les gens ont envie de débattre, que oui, débattre, en fait, ça peut paraître bizarre, mais on vous le dit dans les médias, c'est pas forcément bien. Et débattre avec des gens qui sont différents de vous, c'est pas forcément bien non plus. Attention, vous pourriez devenir comme eux. Donc ça, pour moi, à Nuit Debout, je trouve ça très intéressant. C'est qu'après tout, et ça, c'est un succès populaire. Parce qu'ici, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de un petit peu de partout. C'est pas non plus la France entière qui est venue, mais il y a quand même eu une diversité, entre guillemets, une diversité réelle, pas médiatique ou quoi que ce soit. Bref, les gens ont envie de débattre. Nuit Debout, c'était ça. Débattons, parlons, discutons. Ça n'a, enfin, peut-être que je me trompe, des gens me reprendront, mais je ne crois pas que Nuit Debout. Alors bien sûr, on a parlé de mouvements politiques et compagnie, mais à la base, la graine de Nuit Debout, c'était pas ça. C'était pas ça. Ensuite, que certaines personnes se prennent la tête à vouloir fédérer les gens, à structurer et tout, pourquoi pas? Et apparemment, donc ça, apparemment, c'est un échec. Enfin, je veux dire, actuellement. Est-ce que ça veut dire que demain, ça sera que ça pourra pas être un succès devenir un mouvement? Bref, enfin, mais pour moi, titre personnel, je m'appelle Audrey Lonet Trévidic, je suis personne. Pour moi, Nuit Debout, ça reste quelque chose de très intéressant parce que ça dit à tout le monde, on a le droit de débattre dans un lieu public. Parce que s'il n'y a pas de débat, ça veut dire que les gens ne peuvent pas se rencontrer et savoir ce qu'ils pensent. Et il est très important, pardonnez-moi, on peut toujours taper sur les méchants qui pensent de mauvaises choses. Je crois au contraire qu'il est très important de... pardonnez-moi, c'est une mauvaise expression, donc, mais de regarder le diable dans les yeux, quoi. De jamais avoir peur, je veux dire, si vous avez peur de mourir, mais vous ne vivrez pas. Voilà. Et voilà, c'est tout. Donc je pense que comme vous disiez, aller coloniser la province, franchement, moi aussi je suis provincial, j'y suis allé même quelques fois là ces deux derniers mois, les provinciaux sont au courant. À la limite, moi, c'est ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un outil fait par Nuit Debout, open source, un site web open source avec des technologies modernes, parce que ça n'est pas le cas. Parce que quand on parle par exemple de blockchain ou ce genre de choses, bon, blockchain, c'est un peu Bitcoin, mais ça permet... Ouais. Enfin bon, bref, que je veux dire, Nuit Debout, j'aimerais bien que ça devienne ça. Un truc qui va me permettre demain de voter. Ok, ils organisent pas de référendum, moi je veux voter. Le problème des, comment dire, vous savez, des trucs de pétition en ligne, c'est génial, c'est magnifique. Mais la vérité, c'est que vous savez pas du tout si ces gens ou pas sont français ou quoi que ce soit. Alors, qu'on dise tout le monde a le droit de donner son avis, parfait. Mais je veux dire, légalement parlant, le jour où vous me pondez un outil, où je peux dire, ouais, il y a 1 million, 2 millions de personnes qui ont voté pour ça, réellement, et ils sont français, et ben, vous voyez ce que je veux dire? Le premier des pouvoirs, pour moi, c'est ça. La première des libertés, c'est la liberté quand même de s'exprimer, de bouger. On est d'accord, mais un outil de vote, moi, j'aimerais bien. Voilà. Bref, j'arrête. Merci. Juste un truc. En fait... que ça soit un Français ou pas un Français qui vote, enfin, toute personne devrait pouvoir voter, en fait. Dès lors qu'elle est... allô, coucou, bonsoir, salut, tu vas bien? Hey, toi, je te vois, toi, la chemise bleue. Hey, salut, bonsoir. Je parlais du coup à tout le monde, j'aime bien quand les gens écoutent, tu vois. J'aime cette voix. Cette voix est enrichissante, elle est belle. Bon, du coup, je disais, concrètement... Non, mais sérieux, franchement, non, mais je t'ai écouté, franchement, j'adore et tout. J'adore, je parle à tout le monde, mais je te parle à toi, du coup, aussi, vu que t'étais en train de parler. En fait, toute personne devrait pouvoir voter, en fait, dès lors qu'elle vit quelque part, et que la situation, ou la loi, ou alors le décret, n'importe quoi, le référendum, n'importe quoi, la touche, tu vois. Donc, où tous les Français devraient pouvoir voter, enfin, je sais pas, je suis français, certes, ok, mais genre, les personnes qui vivent en France, enfin, elles doivent pouvoir voter, enfin, je sais pas, non, si, non, ben voilà, enfin, je sais pas, voilà, bonsoir, au revoir, je sais que vous aimez ma voix, moi aussi je l'aime, je vous embrasse. Pour rebondir sur ce que tu disais aussi, je suis tout à fait d'accord, seulement, l'outil médiatique, pour moi, il est pas bon pour avoir des débats. Justement, parce que des débats par le web, enfin, on sait très bien que ça vire très vite à des insultes. Et pour avoir des débats, vaut mieux être au même moment, au même endroit, et physiquement présent. Par contre, sur l'autre truc que tu proposes, mais enfin carrément, mais faudrait en parler à la commission numérique parce que c'est, je pense que c'est eux qui seraient le mieux capables de le mettre en place. Non, je sais pas. En fait, j'aimerais revenir sur le vote démocratique. En fait, vous savez, souvent quand je vais à Nuit Debout, en fait, faut savoir qu'il y a pas mal de Français, comme vous les appelez, qui comptent sur ce mouvement, en fait. Et j'ai l'impression, en fait, c'est pour ça que des fois je crie, je pique mes coups de colère, et beaucoup de gens sont en colère, que ce mouvement est un peu comme une farce. C'est-à-dire en fait que, par exemple, j'ai parlé hier des réseaux de pédophilie. Voilà, j'ai parlé de réseaux de pédophilie. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un sujet qui est sensible. Pour moi, le viol sur mineur est la pire chose au monde. Et j'ai l'impression que les vrais problèmes sont pris comme du complot. Et je me dis, mais comment on peut changer le système en évitant les vrais problèmes? Donc, pour venir au vote, Coluche disait que si le vote faisait quelque chose, ça ferait longtemps qu'il serait interdit, il serait illégal. Je ne crois pas au vote, je ne crois pas aux élections, je n'attends pas les élections présidentielles. Pour moi, c'est des sélections présidentielles. On demandera en Algérie à Bouteflika quand il arrive au pouvoir. En Algérie, c'est la classe policière militaire qui intronise le président. Tous ces politiciens, et en Afrique, c'est pareil, ce sont des petits rois qu'on met au trône. Parce que je me dis que si vraiment le vote démocratique est totalement adéquat et authentique, à un moment donné, le NPA est censé passer au pouvoir. Mais comme ceux qui sont à la tête du FN ou des Républicains ou du Parti sont des fils ou des descendants de bonne famille, ça fait que voilà, vous avez des partis, vous avez toujours les mêmes partis en fait au deuxième tour. Donc je pisse sur le vote électoral. Je ne crois plus en une boue. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne pense pas qu'on puisse écraser un ennemi si déjà on s'aime nous, on a du mal à s'aimer entre nous. Est-ce que ici quelqu'un qui va en manif, qui vient ici une debout, soit après apprendre une balle pour son propre frère d'humanité ou sa propre sœur? Est-ce que qui ici est capable de prendre une balle pour son propre voisin? Avant de parler de grande révolution, la révolution en plus que personne n'a vu, hein, tout le monde parle de démocratie, c'est bien de parler. Mais en fait, je crois qu'il y en a un peu marre du peut-être, ou du presque, ou du des grandes théories, parce que moi, quand je viens ici, j'adore écouter les discours. Mais quand je rentre chez moi, je me dis, mais c'est marrant, il y a toujours autant de haine, de division, et le monde n'a pas changé. Donc, avant de voir, de parler de grande révolution, il faut déjà qu'on s'apprenne à s'aimer entre nous. Je pense qu'on a la même couleur de sang. À part s'il y en a un qui sienne Cassis, il me dit. Mais je pense que le fait est simplement qu'on a tous la même humanité en nous, on devrait déjà apprendre à s'aimer avant de voir parler. Parce que Malandio, il avait raison quand il disait que, au lieu d'aller paternaliser les gens avec des discours politiques, il faudrait déjà apprendre à proliférer de l'amour, de la fraternité, parce que je suis pas au Népal, je suis en France. Il y a une devise qui dit ça dans la liberté qu'a défendu. Donc, aimez-vous les uns les autres, comme disait le Christ, même si je crois pas au Christ, et après on pourra parler d'écraser. Parce que BFM TV n'attend que ça. Hein. Il n'attend que, il est chrétien, musulman, il est noir, blanc. Il n'attend que ça. Donc si vous voulez déjà écraser une opposition, déjà qui vous connaît mieux que vous connaissez vous-même, apprenez à vous aimer entre vous. N'ayez pas, ne soyez pas, excusez-moi, je vais choquer, ne soyez pas des tapettes qui ont peur de l'amour. Parce que on est dans une ville parisienne, les hautes villes, j'ai l'impression que plus je suis un connard, mieux c'est, quoi. Voilà. Aimons les autres. Merci beaucoup. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, c'est intéressant, mais enfin, je sais pas, le côté ennemi, je trouve ça un peu dommage, ça nous rabaisse un peu, je pense qu'il faut pas voir ça comme ça. Nous, on a envie d'avancer, on a des idées dans notre tête, on a envie de les organiser, on a envie de les faire, donc on va essayer de les faire, et si ça marche pas, tant pis, on en trouvera d'autres. Et ouais, si tu veux, c'est ta vision des choses, nous on a notre vision des choses, tu vois ce que tu veux, nous on voit ce qu'on veut. Et ensuite, je pense que apprendre à s'aimer, ça prend du temps. Et si t'as cru qu'on allait s'apprendre à s'aimer en 3 mois, bah toi, ça va être compliqué pour toi, je pense, parce que c'est pas. Il faut. Non mais d'accord. Toi, ok. Nous deux peut-être. Mais les gens qui ont très peur. Tu sais qu'il y a des gens qui ont très peur. La peur. Mais moi, je trouve pas ça normal. Mais. Non, moi je trouve pas ça normal. Regarde, on est à la place de la République, on est combien? On est 60. Nous, peut-être qu'on va réussir à le faire, sans problème. Mais rends-toi compte que dans la France, on est 65 millions, et à peu près, quoi. Et enfin, il y a énormément de gens qui ont peur, et je pense que ces gens-là, il faut juste. Mais il y a des gens qui ont peur, oui, mec. Oui, il y a des gens qui ont peur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas de quoi ils ont peur en fait. Donc je pense qu'il faut juste apprendre aux gens à se rassurer eux-mêmes et ça prendra du temps et voilà, faut prendre son temps, c'est important. Donc en fait c'est plus on va avancer dans le débat et puis les gens diront pas que je suis trop con parce qu'on va arriver à dire que j'ai raison. Comment des gens qui ont peur et qui au bout de 3 mois n'ont pas appris à laver leur peur vont parcourir la France pour apprendre aux gens à ne plus avoir peur, ou pour montrer aux gens qu'on peut vivre autrement, ou pour nous donner un exemple. C'est-à-dire que, en quelques minutes, depuis que j'ai pris le micro, tu as vu l'exemple des réactions qu'il y a ici. Ça veut dire que, en 4 mois, on n'a pas réussi à dégonfler le pus ou à enlever les punaises des contradictions qu'on avait les uns les autres. Parce qu'il y a des gens, que ça n'intéresse pas l'idée de l'autre, il ne veut être que construit par son apprentissage et par son parcours personnel. Et donc, à Nuit Debout, il y en a plein, ils sortent de l'école, ils n'ont aucune expérience de la vie, ils ont une expérience technologique ou technique de l'école. Il y en a d'autres, ils ont travaillé dans tel domaine, ils ont une expérience de ça. D'autres, ils ont aussi cela. Donc, il y en a plein qui ont vécu la moitié de leur vie de ce qu'ils auraient pu faire et qui viennent imposer à l'autre leur vision sans accepter la contradiction et discuter avec l'autre. Et ces mêmes gens vont te dire, on va aller faire le tour de la France pour montrer aux gens, pour apporter Nuit Debout à eux. Mais qu'est-ce que tu vas apporter à Nuit Debout quand tu le dis toi-même qu'au bout de 3-4 mois, vous n'avez pas appris à ne plus avoir peur de l'autre et à écouter l'autre et à comprendre l'autre et à pouvoir le contredire sans animosité ou sans ceci, cela. Et donc, c'est des gens qui ont échoué, qui veulent partir, montrer qu'ils ont réussi. Donc moi, je devrais faire. Je propose à ces gens qui veulent partir dans toute la France, apprendre ce que c'est que Nuit Debout, à combattre cette peur, à aller vers les autres et à passer une semaine, à aller voir tout le monde sur la place, à discuter avec tout le monde, à accepter les contradictions, à accepter le point de vue différent et à refaire un débat pour dire tiens, ça, j'avais pas vu ça. Et quand on aura réussi à s'écouter, parce que tu le dis toi-même qu'en 4 mois, on n'a pas réussi, quand une semaine de plus, on l'aura fait, ben excuse-moi, tu dis qu'on n'a pas réussi parce qu'on a nos peurs et que les peurs ne s'enlèvent pas en 3 mois. Je peux te dire que moi, j'ai appris. Ben excuse-moi, quand on me dit que. Excuse-moi, quand tu me dis, oui, mais les peurs, 3 mois, c'est trop court. Ben je dis pas, attends, mais c'est cela. Moi, je te dis que j'ai aucune animosité envers les autres et que je ne réagis que dans les réactions des autres. Et lorsqu'on me voit Nuit Debout, les gens peuvent toujours dire, ouais, mais t'as dit ci, t'as dit ça, mais je n'ai réagi qu'aux réactions des autres. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, par exemple, là, j'ai pris le micro pour comment dirais-je, expliciter ou avoir plus d'explications sur les propos de quelqu'un. Et pourtant, ça devient agressif, c'est cela. Alors qu'on est là pour se comprendre, pour s'écouter, avoir une discussion d'une heure ou une heure et demie, pour savoir ce qu'on va faire et se comprendre. Mais malgré ça, bon, on va me juger ceci, cela, alors que j'ai accusé personne, je dis juste tes propos, tu dis ça, donc j'aimerais comprendre ça. Donc quand est-ce que à Nuit Debout, on va vraiment être des gens debout et éveillés et des gens qui sont avec les autres et pas contre les autres. Parce que là, on a fait 4 mois contre la loi El Khomri à la con, et moi, comme vous le savez, je m'en tamponne de cette loi. On a fait 3 mois contre l'autre machin, mais quand est-ce qu'on fait une semaine avec tout le monde, avec les idées des autres et avec ensemble à construire? Tu vois, je veux dire, après, on pourra dire tiens, on fait ci, on fait ça, nous on est Nuit Debout, mais pour l'instant, tant qu'on fait que du contre et des manifestations, se faire taper dessus, aller chercher l'autre, sortir de prison, le lendemain, aller dans une autre manifestation, se faire taper dessus, le surlendemain, aller chercher l'autre, sortir de prison, Il est où le travail de... Et là, tu en reviens à ce qu'il disait tout à l'heure. Il y a des gens ici, en 4 mois, je te jure qu'on s'est jamais parlé. On s'est peut-être checké, dit bonjour, serré la main, mais on s'est jamais parlé. Tu veux dire? Et ça, quand on n'est pas foutu de se parler entre nous en 4 mois alors qu'on est assis côte à côte, qu'est-ce qu'on va aller prouver, démontrer à l'autre en province? Pour lui montrer quoi? Tu veux dire? Et donc, il faut savoir qu'il y a des Nuits Debout dans toute la France et qu'il ne nous a pas attendu pour faire Nuit Debout. Maintenant, c'est vrai que nous, Parisiens, si on va parcourir la France, c'est pas pour apprendre quelque chose, c'est pour arrêter de faire le Parisien et aller voir les autres et comprendre un peu cette France que l'on connaît si mal. Parce que moi, sincèrement, moi, mon plus grand bonheur, je l'ai vécu en France, à Bagnols-sur-Cèze, dans un festival de reggae. Et j'avais jamais vu des gens si gentils, tu veux dire, et dans cette ville. Et pourtant, c'est pas ce qu'on montre à Paris, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas ce que les Parisiens, lorsqu'on critique la France, on critique en vérité Paris. Je veux dire. Et donc moi j'apprends à dire c'est pas la France qui est pourrie, c'est Paris. Et malheureusement, la France est dirigée par Paris. Tu veux dire, c'est ça la problématique. C'est que la France est dirigée par Paris au niveau étatique officiel et au niveau alternatif. Ce que l'on fait nous Nuit Debout, on veut faire croire que Nuit Debout Paris, on va aller encore coloniser la France pour leur dire voilà ceci, cela. Et c'est ça le danger de ce qu'on fait. Excuse-moi, je vais revenir sur la chose que tu as dit. On parle de Paris, normal, parce qu'on est à Paris. Si tu es à Marseille, ils vont parler de Marseille, Nuit Debout Marseille. Mais si, parce que... Mais non, mais personne va nous apprendre la vie. C'est à nous de l'apprendre nous-mêmes. C'est pas Pierre-Paul Jacques de nous l'apprendre. C'est à nous de l'apprendre nous-mêmes. Je sais ce que je fais. Par exemple, moi j'ai un petit peu de vécu, mais il y a certaines personnes, on peut pas leur apprendre parce qu'ils ont peut-être plus de vécu que nous. Ils peuvent peut-être nous en apprendre plus, et après, D'abord, faut avoir confiance en soi-même. Si t'as pas confiance en toi-même, t'auras jamais confiance aux autres. Et si t'as pas confiance... Mais non, mais c'est pareil. Enfin, je suis désolé. À nuit debout, tout le monde a le droit de parler et a autant de temps de parole. S'il te plaît, laisse les autres parler. Stop. Stop. Stop. Stop. Après, du coup, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que c'est ce que tu disais, c'était l'inverse. C'est-à-dire, c'est que nous ici, à nuit debout, on a appris. Enfin, voilà, on n'a plus peur parce que déjà, on venait. Enfin, voilà, pour se rencontrer ici, on n'était pas des gens qui avaient le plus peur parmi tous ceux qui ont peur. Mais donc, c'est pas nous en ayant peur, on va aller voir les autres gens. Non, nous justement, bah voilà, on a fait cette expérience-là et peut-être qu'on avait déjà moins peur avant. Mais en effet, il y a d'autres gens qui ont peur. Dans plein d'endroits de France, c'est parce qu'il y a aussi, enfin, c'est lié aussi à la politique sécuritaire, à plein de choses, qui fait que l'autre est potentiellement ton ennemi. Enfin, c'est cette espèce de logique-là, il y a un moment, elle intègre les esprits, quoi. Voilà, c'est juste ça. Bonjour. Je voulais rappeler des petits détails qui me semblent importants. La première chose, c'est que Nuit Debout, ça n'a que 4 mois d'existence. Le capitalisme, il doit en avoir genre 5 ou 600. La 5e République, c'est quoi? C'est 46, 48, 50, enfin bon, une bonne cinquantaine ou soixantaine d'années. Nous, on n'a que 4 mois d'existence. J'aime à dire que je n'existe, moi, en tant que citoyen, que depuis 4 mois. J'ai beaucoup de choses à apprendre et j'ai surtout énormément de choses à désapprendre. Vous parliez de la peur, c'est vrai, J'ai du mal, par exemple, à aller voir mes voisins de palier et leur expliquer qu'est-ce qu'on fait à Nuit Debout. Parce que j'ai des a priori sur eux, ils en ont peut-être sur moi. Enfin, pour des mauvaises raisons, en tout cas, j'ai du mal. Par contre, avec mes collègues que je connais depuis déjà plus longtemps, c'est un boulot que je fais tous les jours et ils commencent un peu... Il y en a certains qui vont finir par me détester, mais je lâcherai pas l'affaire. D'ailleurs, parenthèse, j'ai pas d'avis sur la marche en soi. J'y réfléchirai, j'en aurai peut-être un plus tard. Mais par contre, je voudrais juste rappeler la nécessité, selon moi, d'aller vraiment emmerder ses collègues, ses voisins, tous les jours, au quotidien, par du discours. Et aussi, éventuellement, avec quelques copains, camarades, copines et compagnie, faire les sorties d'entreprise ou de magasin à 2, voire 3, et pour interpeller des gens comme ça, et puis les rencontrer et discuter. Voilà. Donc voilà, on est jeune. Alors après, Nuit Debout, faut pas croire qu'en dehors de Nuit Debout, il n'y avait rien avant. Il y a un mouvement social en France qui existe depuis je sais pas combien de temps. Des associations qui font le boulot et qui nous ont pas attendus, mais par contre qui nous ont rejoints. Sur la question de quand on disait il faut aller chercher les banlieusards, mais ils veulent pas qu'on aille les chercher. Mais, enfin, non, on attend qu'ils viennent, pardon. Effectivement, je comprends qu'ils aient pas envie de venir spontanément. Il y en a qui sont venus spontanément et qui ont kiffé. Maintenant, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut aller chercher partout, faut ratisser large. Rappeler les problèmes qu'on a eu par le passé, parce que par exemple pendant les émeutes de 2005. Paris n'est pas allé en banlieue pour soutenir la banlieue. La banlieue a fait le boulot d'elle-même avec les associations qui étaient sur place, avec les citoyens, les travailleurs qui étaient sur place. Donc il y a peut-être on devrait peut-être avoir des remords dessus parce qu'on n'y est pas allé, je sais pas. Eux, ils devraient peut-être avoir un peu de colère envers nous parce qu'on n'est pas venu, je sais pas. Mais je dis pas qu'il faut pas discuter de ces sujets-là, au contraire, hein, c'est important de regarder le passé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Mais faut aussi penser à l'avenir et puis essayer de se réconcilier quand c'est possible, je sais pas. Toujours sur le fait qu'on est jeune, je parlais de mon exemple. Très vite, quand j'ai rejoint Nuit Debout, je me suis très vite retrouvé à l'Ouest, je savais pas quoi faire, je savais pas comment aider. Je suis pas forcément bon en débat, j'ai pas énormément de temps parce que j'ai la chance de bosser, j'ai 37 heures de boulot par semaine, qui me demande beaucoup d'énergie, donc déjà passer 2 heures ici, je travaille dans l'informatique. Et du coup, j'ai besoin non seulement d'être présent physiquement la journée, mais aussi psychologiquement, il faut que je sois fort, faut pas que je sois fatigué, quoi, en gros. Et du coup, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est d'enregistrer vos témoignages pour les diffuser sur internet. Je m'y suis pris à l'arrache. C'est pas efficace parce que y a pas beaucoup de gens qui sont allés vous écouter. Le témoignage qui a fait le plus de vues, ça doit être 40 vues, tu vois. Donc c'est quand même assez décevant, alors que je pense que c'était, c'était intéressant comme travail. Mais bon, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'était pas très bien fait, c'est à l'arrache, mais j'ai trouvé que ça pour l'instant. Bah, maintenant, je vais prendre du recul, je vais essayer de trouver d'autres méthodes. Mais je vais pas, c'est pas parce que je m'y suis mal pris ou qu'on pourrait dire que j'ai échoué à un instant T que je vais m'arrêter. Je vais rappeler quelque chose qu'on a déjà dit 1000 fois depuis le début du mouvement, c'est que ce qui nous attend, c'est un marathon. Il faut qu'on s'économise un petit peu pour aller le plus loin possible, pour tenir le plus longtemps possible. Voilà. Donc faut pas forcément s'inquiéter de voir la place se vider. Faudrait s'inquiéter de voir les gens arrêter de parler et lâcher l'affaire, peut-être. Voilà, je sais pas. Déjà, je voulais juste dire, d'abord, la place République, je pense que elle s'évanouit de plus en plus, parce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il paraît qu'il y a certaines personnes de Nuit Debout, j'ai pas tout le monde, mais j'ai certaines personnes, j'ai bien certaines, il y a des membres des syndicats qui sont venus au début de Nuit Debout, ils ont été virés, ils ont dit non, on veut pas des syndicats, cassez-vous. Après, c'est normal un petit peu que la place s'évanouit. Parce que s'il n'y a pas déjà des membres qui sont actifs, déjà qui sont un petit peu travailleurs, qui y connaissent au monde du travail, sinon comment on peut avancer? Parce que si la place s'évanouit de plus en plus et qu'on n'a pas de plus en plus d'aide, comment on va s'en sortir? Dites-moi. Dites-moi. Parce que si on a de moins en moins de monde et qu'on vire de plus en plus de monde, à force, on va rester quoi? 2-3 personnes, pas plus. Et la révolution va être où? Elle va être où, la révolution? Parce que soi-disant, on va faire une révolution, une 6ème République. Eh ben, on l'attend, la 6ème République. Mais il faut faire quelque chose, par contre. Il faut faire quelque chose. Moi, je vous dis, il faut faire quelque chose. Parce que si vous voulez faire une 6ème République, allez dans, déjà dans les quartiers chauds, dans les banlieues, et allez voir, et discuter avec eux pour ce qui va se passer et pour ce qui va se passer après. Pas avant, après. Parce que sinon, on s'en sortira pas. Si vous voulez une 6ème République, déjà, faut commencer à aller toutes les manifestations. Parce que bizarrement, je vais pas citer le nom, mais il y a des personnes autour de nous, ou même sur la place République, qui disent oui, on doit faire ça en manif, tout comme ça. Mais je les vois jamais en manif. Je les vois jamais. Alors, excusez-moi de dire ça, mais qui parle pas, qui disent oui, voilà, je fais partie des actions, mais non, tu fais pas partie des actions. Du coup, je vais laisser la parole aux camarades. Je t'avoue que j'essaye d'être à toutes les manifs possibles et à faire grève quand je peux, sauf que la grève, moi, ça me coûte super cher quand même. Je touche 2300 balles par mois. Et depuis le 31 mars, celle d'avant, j'ai perdu beaucoup de salaire. J'ai fait 24 heures de garde à vue le 23 juin, juste parce que je voulais filmer et que j'avais un casque. C'est le genre de choses qui ne me donnent pas envie de revenir, ou en tout cas de revenir moins souvent. Par contre, c'est pas parce que je viens pas que je n'ai pas envie de partager mon expérience ou de donner mon avis. Tu vois? Donc j'ai pas trop envie de jeter la pierre non plus à ceux qui parlent mais qui viennent pas. Après, il y a toujours les gros bras qui parlent, qui se la ramènent et puis qui vont se planquer après. C'est peut-être d'eux dont tu parles, je sais pas. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de lutter comme certains ici peuvent le faire. Et c'est un investissement économique, physique et psychologique vraiment énorme, hein, la lutte. Et c'est pour ça que je rappelle, 4 mois, on est jeune. Mais dans la vie d'une personne, 4 mois, par contre, c'est long et usant. Mais faut pas qu'on se décourage pour autant. Et on va y arriver, on va y arriver. Vraiment, on va y arriver. Du coup, je voulais te dire, après, c'est... Tu travailles, ok. Je fais pas de jugement. Parce que sur le blocage de la Tirue d'Ivry, il y avait des éboueurs, ils étaient là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont tenu 23 jours. Ils ont fait beaucoup de pertes d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont fait 23 jours de grève, et c'est-à-dire qu'en une journée, normalement, ils gagnent 65 euros, et ils leur ont enlevé 80 euros, c'est-à-dire qu'ils perdaient encore 25 euros de plus. C'est-à-dire qu'ils perdaient encore plus d'argent, mais ils tenaient. Et le jour où les CRS sont venus, c'était un choc pour nous. Parce qu'on dit merde, qu'est-ce qu'on va faire après voilà. Mais on continue les luttes. Même déjà sur un blocage, on apprend à se connaître. C'est-à-dire qu'après, on apprend à s'aimer. C'est sur des blocages qu'on apprend à se connaître. Parce que c'est pas sur des manifs ou sur des trucs comme ça, ou des rassemblements, qu'on va apprendre à se connaître. C'est sur des blocages. Voilà, je voulais juste dire ça, mais je vais laisser la parole au monsieur. Alors attendez, il y a juste monsieur, après je vous passe. Juste pour vous rappeler, en fait, on débattait en fait de la marche debout parole itinérante. Donc voilà, juste si on peut essayer de recentrer un peu sur ce débat-là, quand même, parce qu'on vire pas mal. Oui, donc pour rester sur la marche debout itinérante, la question que j'ai posée, c'est pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on y va et dans quel état d'esprit. Donc je reviens sur et encore pour appuyer sur le on n'écoute pas l'autre et on ne s'intéresse pas à l'autre. Depuis que vous parlez de banlieue, la grande mode de parler de banlieue, moi j'ai grandi en banlieue, là je rhabite en banlieue, et donc les gens pensent que la banlieue c'est la cité, la drogue et compagnie. Je peux vous dire que la drogue elle est là où il y a de l'argent. Et il y a 100 fois plus de drogue à Paris qu'en banlieue. Il y a 100 fois plus de ventes de drogue à Paris qu'en banlieue. Il y a 100 fois plus de consommation de drogue à Paris qu'en banlieue. Donc, aimer l'autre et écouter le banlieusard, c'est arrêter de lui dire, ouais, la banlieue, c'est la drogue, et de dire au système, au ministère de la Justice et compagnie, pourquoi vous harcelez les banlieusards, alors que nous, les Parisiens, nous sommes les plus gros consommateurs et les plus gros revendeurs. Voilà. Et donc, c'est comme ça que l'autre va vous écouter, c'est comme ça que le banlieusard va vous écouter. Parce que c'est pas en allant en Fresnes et voir plein de banlieusards qui, eux, se posent la question, mais ils sont où tous ces Parisiens, plein de MDMA, plein de LSD, plein de trucs dans la gueule, tu veux dire. Donc, après, pour revenir à l'écoute de l'autre, comment dirais-je, pour donner un exemple, il a parlé des grèves. Ok, les gens les mecs qui faisaient du pétrole ont fait grève. Ok, ça donnait quoi? Ça donnait que le pétrole a augmenté. Hein, le pétrole a augmenté, il a jamais rebaissé après. Donc plus d'argent pour la société. Et pourquoi ils ont fait grève? Ils ont fait grève pour les salaires. Mais est-ce qu'ils ont fait grève pour savoir les tueries et les crimes du pétrole? Non, ils s'en battent les couilles. Ils continuent à travailler pour savoir combien ils vont gagner dans des entreprises criminelles. Donc, je vous donne un autre exemple. L'autre exemple, c'est Goodyear. Donc, auquel les salariés de Goodyear ont fait grève parce qu'ils voulaient pas que l'entreprise ait ferme et pas se dit. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Goodyear? Est-ce que vous savez ce que Goodyear fait encore aujourd'hui ou Michelin? C'est des crimes contre l'humanité. Le pneu de voiture, c'est une torture, c'est un crime contre l'humanité. C'est des enfants qui meurent, qui travaillent à 6 ans pour ramasser du caoutchouc. C'est des gens qui gagnent des 10 centimes par mois. Donc, tout ça, Goodyear, machin. Donc, nous, il y a beaucoup de gens qui se demandent. Et c'est là pour que je dis, vous allez marcher pour dire quoi? Vous faites la grève pour dire quoi? Vous allez faire le blocage pour dire quoi? Pour dire, on veut un peu plus d'argent sur notre salaire ou pour dire, nous travaillons pour des entreprises criminelles et nous ne voulons plus travailler pour des entreprises criminelles. Tu vas me dire, donc quel est notre état d'esprit? Quelle est notre compréhension? Et là, je voudrais vraiment revenir pour les Parisiens. Est-ce que la banlieue, pour vous, c'est des cités, des gens qui vendent de la drogue en bas de leur quartier? Et est-ce que c'est pas des gens qui sont pris pour des couillons et pour que nous, Parisiens, nous puissions prospérer dans notre tout va bien? Parce qu'en banlieue, le bar, il doit fermer à 20h. Et nous, on peut danser encore jusqu'à 22h, jusqu'à 3h du matin. Donc, il y a une espèce de racisme du côté des consorts du périphérique, et c'est pas un racisme de couleur, parce que c'est un racisme, il y a des blancs de l'autre côté de la banlieue, ok? De l'autre côté du périphérique. Et la plupart des pauvres, ils sont blancs de l'autre côté du périphérique. C'est pas des Mohamed ou des Koulibaly. Ce sont des Marcel et des Jean-Jacques, qui ont leurs parents qui crèvent de faim ou qui sont au chômage et compagnie. Donc, il y a une façon, il y a une vision qu'on a de la banlieue qui est bizarre. C'est pour ça que je dis encore à Nuit Debout, est-ce qu'on s'est vraiment écouté? Est-ce qu'on a vraiment parlé? Est-ce qu'on a compris ce que c'était la France? Est-ce qu'on a compris ce que c'est que le vivre ensemble? Est-ce que c'est que penser ensemble? C'est la question, pour ça que je dis encore, on va marcher pour dire quoi? Pour raconter quoi? Excusez-moi, moi j'avais deux questions. Déjà, bon, je suis grave d'accord avec le camarade, sauf que bon, il y a deux sortes de banlieues, faut pas l'oublier, la banlieue des riches, la banlieue des pauvres. Ça reste de solution. Par contre, ma deuxième question, elle est pour toi, parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. C'est qu'à un moment, dans la même phrase, tu m'amènes révolution et 6ème République. Et là, je comprends pas. Donc, si tu peux m'expliquer, ça m'arrangerait. Attends, je l'ai juste pas. C'est juste, tu veux intervenir ou tu veux pas intervenir entre les deux peut-être? Déjà, je parlais de la révolution pour amener la 6ème République. C'est-à-dire que si on fait la révolution, on va amener la 6ème République. C'est-à-dire amener la 6ème République, faire dégager tout le gouvernement. C'est-à-dire faire dégager le gouvernement, les faire dégager, c'est-à-dire essayer de les faire démissionner, et essayer d'attaquer en faisant une révolution. Si vous vous rappelez, en 68, j'étais pas né, mais j'étais pas né, mais ma mère l'a vécu, la 68. Mais... En 68, ils étaient là déjà, ils étaient sur un mouvement, ils étaient presque tout le temps là pour les 4 semaines de congé, pour les 5 semaines. Non, moi je veux bien répondre. Mais on peut faire les deux, on fait la révolution. Je vais faire une réponse directe à... Juste une petite réponse directe à... Je vais faire une réponse directe parce que j'ai entendu un truc comme quoi voilà, il y avait beaucoup de drogue sur Paris plus qu'en banlieue. Ouais, certes, je sais pas, je suis pas dans les stupéfiants pour savoir les chiffres exacts. Sauf que moi, je connais personne à Paris qui paye son loyer avec le trafic de stup. Moi, je connais des cités entières. Je connais des cités entières où on vit tout simplement avec le trafic de stup. Voilà, après, moi, je suis d'accord pour te dire qu'on est dans une capitale, forcément, au niveau du chiffre, on va trouver des 51 tonnes ici, si tu veux même. Mais moi, je sais que ici, personne paye son loyer avec le trafic de stup, d'une part, et d'autre part, la révolution, c'est un grand mot. C'est un très grand mot, la sixième, ça, c'est une réponse directe par rapport à toi et par rapport à ce que j'entends. La révolution, c'est un grand mot. Moi, je vais vous dire, hein, la première des choses à faire déjà, c'est pas, ouais, c'est bien de débattre, d'en discuter, de savoir où on va. C'est très important de savoir l'objectif. Mais le plus important, pour moi, après, c'est reste mon avis personnel, c'est d'essayer de comprendre nos besoins quotidiens, nos besoins réels. Qu'est-ce qui va faire que demain, on sera plus assis ici à discuter des problèmes? C'est parce que tout le monde aura eu une satisfaction personnelle. Et le bonheur, c'est pas des finances, c'est pas, voilà quoi, c'est juste un état de bonheur. Les gens ici, ils ont peut-être 2000 euros, 3000 euros, ils sont rouges tous les mois parce qu'ils sont pas heureux, quoi. Par rapport à la marche, je pense que s'il y a des personnes qui ont envie de faire ce projet, si ça leur plaît, si ça les intéresse, il faut qu'ils y aillent, quoi. Moi, je dis, s'il y a une volonté, s'il y a une envie, à la limite, pourquoi en débattre? C'est-à-dire, s'il y a des gens qui veulent le faire, qu'ils le font, et s'il y en a qui ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Enfin, voilà, c'est comme ça que je... Alors, moi, personnellement, sur la question des marches, quand on regarde l'histoire, bon, l'idée qui me vient, c'est la marche des beurs, la marche pour l'égalité. Voilà, c'est l'exemple d'une marche, entre guillemets, réussie. Voilà, un grand succès national. Bon. Maintenant, voyons sur quoi ça a débouché, cette marche, qui était considérable. Hein. Donc, il y a Farida Belghoul, qui était une des fondatrices de la Convergence des luttes, qui a participé de l'intérieur, qui a témoigné et qui a expliqué, en fait, que au final, il y a eu, je crois, une instrumentalisation politique, une récupération. Bon, ça a donné SOS Racisme. Aujourd'hui, ça a débouché sur moins d'inégalités, moins de racisme, moins de discrimination? J'en ai pas l'impression. Donc voilà, moi, s'il y a de l'envie, s'il y a de la volonté, allez-y. Franchement, c'est bien d'être porté par un projet. Mais bon, personnellement, est-ce que j'ai foi aux marches? Vu l'exemple de la marche de l'égalité, je dois reconnaître que pas trop, quoi. Ouais, juste pour dire un petit point, justement, bon, je connais un petit peu le projet, du coup. Par exemple, c'est pas centralisé. C'est pas, y a pas de but de centralisation, de tous se retrouver, par exemple, comme la marche de l'égalité où ils ont fait ça. Ils sont tous retrouvés à Paris, donc il y avait quand même un but de rassembler beaucoup de monde et tout ça. Là, il y a pas ce but-là, donc c'est vraiment juste dans le but du travail. Et donc le succès, en fait, il sera quotidien. Le succès, on n'attend pas un succès final, une finalité. Il n'y a pas d'objectif, en fait. Enfin, je crois pas. Voilà, il n'y a pas d'objectif final. On n'aura pas de. L'objectif sera tous les jours, il se construira, c'est de travailler avec les gens, d'apprendre à comprendre, de connaître tout le monde et de débattre de questions qu'on n'a pas. Voilà, on manque trop souvent d'informations. Voilà. Là encore, je suis de tout cœur avec toi et toutes les personnes qui portent ce projet, moi je les encourage à s'engager parce que dans la vie, c'est avoir un désir, c'est super, et le réaliser, c'est encore mieux. Donc bravo et bonne chance, quoi. Oui, alors juste une chose, mais il est parti en réponse à la révolution. Une révolution, c'est un tour sur soi-même. Donc un tour sur soi-même, c'est pas très intéressant, donc il vaut mieux faire des évolutions et donc éventuellement passer sur une 6ème République. L'autre chose, c'est qu'une marche, en fait, c'est l'intérêt d'une marche, pardon, c'est le chemin. Et je pense que l'objectif en soi pour vous, alors j'ai pas suivi le début de la conversation, mais à mon sens, l'objectif vers lequel vous devez tendre, c'est vraiment le chemin en lui-même. Et les rencontres, enfin, c'est pas nécessairement la marche, c'est les rencontres que vous allez y faire, j'espère pour vous. Et vraiment, voilà, le chemin, je me répète, mais c'est ça qui, à mon sens, doit vous guider. Donc en fait moi j'avais juste envie de dire tout simplement, je suis tout à fait d'accord, j'ai entendu, et même moi j'avais fait une proposition, ça date il y a quelques plusieurs semaines de ça, et de pouvoir faire, on va dire, de faire converger, on va dire, Paris, on va dire, que Paris, que ce soit pas, mais on m'avait dit que ce soit les régions qui convergent vers Paris. Moi j'ai envie que ça soit le contraire, que ça soit que maintenant Paris arrête un petit peu de se dire on est la capitale du monde, c'est bon, c'est magnifique, c'est super, c'est Paris, quoi. Non. Qu'on aille, nous, Paris, vers justement les gens, justement des autres régions, dans les autres villes, que nous, Parisiens, on descende là-bas. Qu'on aille les voir, justement, là-bas, qu'on a leur les renforcer, qu'on a leur prôner, justement, les bonnes paroles, les bonnes choses qu'on a faites et leurs bonnes actions, qu'on les aide aussi à faire les bonnes actions. Alors après. Soit avec une marche, ça va être un petit peu long, à moins que il y ait beaucoup de... S'il y a des gens qui ont les super vacances, bah c'est magnifique. Mais sinon, en vélo, moi j'avais trouvé ça en vélo comme idée. Ils font ça pour le Téléthon. Pourquoi nous, on pourrait pas le faire pour les debout, hein? Avec des drapeaux, avec machin, sur des vélos, machin et compagnie, à 500 sur la route, il n'y a pas de problème. On bloque toute une route et on descend vers, je sais pas... on descend vers Orléans, on descend vers Dijon, on descend vers Marseille, on descend vers Bordeaux, on s'en fout. On va là où il y a du nuit debout, quoi. Là où il y a du nuit debout, on passe, tout simplement. Et le truc, c'est de se dire, en même temps, c'est bien de le faire, mais il faut aussi de se dire que, est-ce qu'on va pouvoir avoir aussi, s'il y a un nombre comme ça conséquent, parce que c'est quelque chose que quelqu'un... Enfin, la plupart des gens, je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à être intéressés par rapport à ça, de vouloir le faire, te dire, bah, qu'est-ce que je vais foutre de mon été? Est-ce que je vais visiter la dune d'Ipia ou est-ce que je vais faire du surf au niveau de Biarritz? Non, je préfère aller faire du vélo et me barrer au niveau avec lui debout, faire les kilomètres et aller défendre les potes qui sont dans toute la France, qui eux aussi bataillent à 30 ou 40 et que c'est difficile pour eux. Donc voilà, que nous on arrive à 500 en vélo et qu'on arrive, mais en se disant, il y a une logistique derrière aussi, se dire, voilà, chaque ville, d'essayer de prendre des contacts avec des gens. S'il y a des gens qui connaissent des gens à Bordeaux, s'il y a des gens qui connaissent des gens à Toulouse, s'il y a des gens qui connaissent des gens à Lille, s'il y a des gens que ça fait. Comment on fait notre propre Tour de France, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas de maillot jaune. Le maillot jaune, c'est nous-mêmes. C'est nous tous, quoi. On est tous maillot jaune. Donc j'aimerais bien qu'on réfléchisse vraiment à ça et de se dire, est-ce qu'on prend tous des tentes et on fait un énorme village à chaque fois? Et ça serait vraiment génial, ça serait super barbecue, machin, tout l'été, et je peux vous garantir une chose, que non seulement on se rendrait bien la gueule, et on les ferait encore plus chier, quoi. Donc c'est, on se comprend, c'est faire un parcours pour aller apprendre comment les autres fonctionnent, mais je voulais répondre à mon ami de banlieue, je t'assure, j'ai jamais vu autant de drogue qu'à Paris. Jamais, jamais, jamais, jamais. Et tu sais que le commerce de la drogue, c'est même des grosses entreprises qui le font. Et si tu savais le nombre d'étudiants à Paris, de fils à papa, qui payent leur loyer avec l'argent de la drogue, tu serais étonné. Donc arrêtez de se complexer en tant que banlieue avec la drogue. Mais il faut que les Parisiens aillent en paix avec et aillent dire à leurs dirigeants. Arrêtez de mettre en prison tous les mêmes gens et commencez à arrêter ce racisme. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que pour que les banlieusards comprennent les Parisiens, il faut que les Parisiens disent, nous avons la drogue, c'est ici, le plus gros commerce, c'est ici. Et pourquoi c'est vous qui êtes toujours discriminé pour ça? C'est là où je dis que les banlieusards, ils pourraient écouter les Parisiens et qu'ils les comprendraient. Excuse-moi, parce qu'il y avait des tours de parole qui ont été pris. Donc il y avait... Monsieur, c'est à vous. Monsieur, c'est à vous. Ouais. Bon, le contexte... comment dire? Le contexte historique a légèrement changé depuis 83. depuis 83, le contexte historique a légèrement changé. Je veux dire que sur la marche des beurs, quand je suis arrivé à Bastille, avec 300 000 personnes derrière moi, et pas mal de gens devant, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Franchement, ce n'est plus possible. Pourquoi c'est plus possible? Parce que la mobilisation n'est plus la même. Les flics ont flagué des mômes. Je tiens quand même à rappeler un certain nombre de choses. Comment s'est créé SOS Racisme? Comment s'est créé France Plus? Qui connaît France Plus ici? Personne. Il y a eu la création de SOS Racisme et qui s'est créé par rapport aux bavures policières qui ont commencé sous le mandat de Mitterrand dès le début. Et France Plus, c'était la réponse de la droite. France Plus a été montée par Pasqua. Putain. Et SOS au début, on était vraiment des mauvais, quoi. On a été infiltrés par l'EPS. L'EPS, il a récupéré le mouvement. Un RM Désir, quand je le croise, moi je siffle. Je parle pas. Je le siffle. J'ai dirigé un certain nombre de SO. Je m'appelle Abdallah. Pour les journalistes de la police, s'ils m'ont pas reconnu, j'ai dirigé un certain nombre de SO. Quand Harlem Désir s'est pris un pain dans la gueule en 92 sur une manif, qu'on allait me chercher pour me dire il s'est pris un pain dans la gueule, bah, qu'il reste dans la rue. Bonjour à tous. Vous me connaissez peut-être, pour certains, d'autres peut-être pas. Bon, je me présente, je suis Sébastien, la fameuse personne qui a été violentée gravement par la police, le 23. Bon, on parle de convergence des luttes, mais convergence des luttes, ça veut dire quoi? C'est tout solidaire. Vous êtes au courant que tous les 18, chaque année, au mois de juin, il y a quand même une cérémonie pour les morts de la rue. Vous savez combien il y a de morts de la rue chaque année? C'est 497 multiplié par 6. Ça peut être 2800 à plus de 3000 personnes. Donc encore un mort qu'on a encore cette année, qui s'est produit il y a quelques jours, suite à une crise d'épilepsie. Ce jour-là, le 18, moi j'ai vécu une nuit debout. J'en ai pas vu beaucoup. Peut-être 2, 3. À mes actions, j'étais pour que nous, les sans-abri, les sans-logis du moins, est un respect auprès de la mairie de Paris. Il y avait qui, nous, debout, qui sont assis, là? Personne. C'est dégueulasse. Vous pensez qu'à vous. Vous dites convergence des luttes. Mais convergence des luttes, c'est quoi? C'est tous ensemble. C'est pas une lutte par une lutte. C'est toutes les luttes en même temps. En mai 68, c'était ça. 68, c'était convergence des luttes. C'était tous ensemble dans les rues. 60 milliards de personnes dans la rue en 68. Sur Paris même. Ça a été cassé de partout dans toute la France. Brûlé, pillé. Mais maintenant, le peuple français, depuis que mai 68 est passé, depuis que la loi sur le droit de la femme a été votée, ben les Français, vous êtes devenus égoïstes, matérialistes et individualistes. Et ça, c'est inadmissible. Alors, soit on parle de convergence des luttes et on y va tous ensemble, ou sinon on parle d'une lutte par une lutte et c'est chacun sa mère de tout pour tous. Merci quand même. Attends, il y a un tour de parole. Il y a moi, le monsieur là-bas, puis après c'est toi. Il y avait lui aussi. Oui. Bon. Moi, je voulais donc du coup pour revenir sur le débat et pour rebondir sur, toi peut-être. Oui, toi, notamment. Et puis sur la personne d'avant aussi, c'était l'idée de parler là de Nuit debout itinérante au mois d'août, c'est pas parce qu'on attendait une autorisation pour le faire, c'était simplement de diffuser l'idée et d'en débattre ensemble. D'abord, voilà, commencer, c'est pas en attendant que vous nous disiez, allez-y, ça a l'air bien, non, c'est... Et aussi de faire du recrutement en tant qu'à faire, s'il y en a d'autres qui sont motivés pour y aller. Après, juste... Oui, non mais juste par contre sur le point que tu disais de partir en vélo et... Et nous, dans l'idée, c'était pas du tout centralisé autour de Paris, mais c'était même que l'idée de base, c'était, pour ceux qui sont venus après, du coup, que en fait, si vraiment on était beaucoup à partir, donc dans un idéal premier, que y a je sais pas 10 groupes de 20 personnes qui partent de différents points de France, comme ça chacun fait je sais pas 100 km et de 100 km en 100 km et ben du coup on fait tous un tour de France, mais chacun n'est mobilisé que pendant 3 semaines, un mois maximum. Et ou pendant une semaine, pour ceux qui peuvent venir qu'une semaine. Enfin voilà, c'était pas on va faire le tour de France ou on va partir de Paris pour aller quelque part ou partir de quelque part pour aller à Paris. C'était voilà ce que je voulais dire. Je veux dire que je supporte toujours l'initiative et Delta veut dire la meilleure intervention. Ceux qui veulent y aller, y aillent. Deuxièmement, je pense qu'on doit partir de Paris même et que la première étape se fasse en banlieue parisienne. Et que, parce que la banlieue, c'est vraiment... On a manqué 2005 et on aurait pu faire une nuit debout en 2005 et on ne l'a pas pu. Et c'est parce que la lutte des banlieues, c'est la lutte de tous. La lutte contre la loi du travail, c'est la lutte des sans-logis. Et Seb, tu m'écoutes? Non, Seb! Je n'étais pas le 18 et j'en suis désolé. Désolé si j'étais pas là, je ne sais pas où j'étais. Non, j'étais, voilà. Je... Laisse-le parler, Seb. Seb, écoute-le, il te répond. Deuxième chose, Il faut cesser ce que j'ai entendu. Banlieue, pas banlieue. Qu'est-il de la drogue plus que d'autres? Mais qu'est-ce que c'est ces débats? Est-ce qu'on est contre le système ou pas? Est-ce qu'on est tous unis contre le changement de système économique, politique et culturel ou pas? Alors si vous voulez débattre qui tranche le plus ou qui n'a pas fait ça aussi, mais c'est quoi ces enfantillages, ces chorales de petites chapelles? Il faut pas, et ça c'est quelque chose que j'aimerais mieux, il faut pas la convergence des luttes. La convergence des luttes pour moi, c'est l'absorption d'une lutte par des autres luttes. Je préfère le mot articulation des luttes, car toutes les luttes sont contre le système actuel. Il faut articuler toutes ces luttes-là, les coordonner, pas les converger, car la convergence amène à une homogénéité, ce qui va permettre l'unification des forces anticapitalistes et pro-démocratiques, c'est qu'on reconnaisse notre diversité. J'ai pas fini. Je reviens au sujet du débat qui est le débat sur en août. Et pourquoi sans lien? C'est que dans les ils vont vous aller vers l'autre, celui qui est négatif vers nous. Ils vont voir, ils vont comprendre l'autre pour le convaincre. On peut pas le convaincre sans le comprendre. Et je n'aime pas quand les gens disent que les gens qui votent FN sont cons. Non, ils ont juste été abusés par le système. Ils ont aussi été abusés par le bar neuron national, mais ils ne le savent pas. Ils ne veulent pas être dire oh vous ne connaissez rien, donc voilà. Non, ils veulent aller vers eux. Ils veulent aller vers les campagnes, les périphéries qu'ils ont délaissées et que les seuls qui en profitent électoralement et politiquement et philosophiquement sont les forces régressives que représente le Front National. Et ça, c'est un danger. Et c'est pour ça qu'ils vont les comprendre, les parler, et pas leur critiquer comme des cons. Et c'est pour ça que j'appuierai toujours l'initiative de l'éducation populaire. Donc, j'aimerais que toutes les interventions, et désolé si je prends longtemps, c'est qu'on cesse de dire « Mais vous êtes pas venu !» C'est qu'il y aura des chapelles et qu'on construise. Car j'en ai marre quand ils disent « Vous avez dit les plus de Rome, vous avez plus d'argent de la trône, ça ne sert à rien !» Ok, merci. Un très rapide point technique qui n'a rien à voir avec ma couleur, mais bonsoir peuple des NAS, on aime bien dans les NAS colorer les gens. Là, je suis pas un avatar. Donc il y a la cantine qui est prête dans un petit quart d'heure et il serait super content que ce soir on mange tous là-bas. C'est le dernier week-end de cette première saison qui s'entame. Samedi, dimanche, on va passer beaucoup de temps ensemble. Il y a une très belle soirée vendredi soir. Il y a un très très gros concert et vous l'apprenez en exclusivité dimanche soir avec O2N qui est un groupe qui vient de Bordeaux et qui la joue à Carcassonne à l'heure où on se parle et qui vient se produire ici sur la place pour nous gratuitement avec une superbe scène. Ça va être magnifique. Bref, on entame le week-end des 100 jours d'occupation de République. C'est pour ça qu'on fait la fête et je pense qu'il ne faut pas oublier de faire la fête dans les luttes. C'est important. Tout n'est pas fait que de victoires et les petites victoires.